Eh bien, avant de vous quitter, je voudrais vous dire, j'ai été heureuse avec vous. Oui, merci. Et merci de votre fidélité. Jamais d'amour sans spleen, je sais, mais si c'est...